So I hope we've got time for some questions and answers. And as you can see, we're doing thinking on the hoof as well, partly prepared, but then it's kind of in process, imminently, as one would say. So it's not all set and ready-made, here's the thought, ready-made, buy the book, etc. like that. It is actually in progress all the time. So, that being said, one's struggle with these ideas about revolt and struggle are very apropos and nothing to be frightened of. So, given that, it's always fearful to ask the first question, but well done, Claire. Thank you very much. Very interesting talk. Of course, in ancient Greek philosophy, there's the idea that human action aims towards the good. Now, that could be an open-ended. We might not know what the good is, or we might be mistaken about it. So there's a kind of openness in that kind of erotic reaching out towards the good. But it's still a teleological conception of ethics. And the good is still an object of action, even if it's an infinite, undetermined object. So, obviously, you're trying to criticise the Kantian ethical framework. And would you also position your view against this ancient Greek way of thinking about ethics? Par rapport à la bon, évidemment, vous critiquez la morale kantienne, mais est-ce que vous critiquez aussi la morale, elle parle de la morale grecque, mais c'est Platon principalement et Aristote, et elle se demande si vous critiquez aussi cette morale, parce que finalement, si on regarde la morale de Platon et d'Aristote, on se rend compte que évidemment le bien est la fin de l'action morale, mais en même temps, ça reste quand même ouvert, c'est jamais vraiment fermé. C'est un processus infini d'apprentissage érotique. Alors. Je vous laisse répondre. Non, mais il y a bien dans la philosophie des modèles semblables qui représentent un geste d'ouverture et de travail ou d'effort infini. Of course, in philosophy, you can find many models that look like my model of ethics, and that include an infinite gesture of openness. Mais il y a des problèmes alors de différenciation des modèles utilisés pour penser ces chaînes continues ou ces ouvertures infinies. And in fact, the problem is to find a way to evaluate the different models that are used by philosophers to explain this chain of infinite specification of moral actions. Malgré mon admiration pour Platon, je ne pense pas qu'il ait eu pour modèle scientifique. And even if I admire Plato very much, I don't think he has, let's say, a scientific model. Parce que il a pour modèle non pas la quantique ou la microphysique, mais quelque chose qui est très macroscopique. Ce pourquoi il est le fondateur de la philosophie, d'une certaine manière. The problem with Plato is that he has a macroscopic model, and that's why he's the founder of philosophy, and that's the one. Oui, quand vous utilisez un modèle macroscopique, il est assez facile de tourner vers ou d'aller vers une théorie de l'éros quand vous utilisez des modèles macroscopiques. And when you use macroscopic models, in fact, it's easier to go towards like erotic theories. Pourquoi? Mais parce que l'éros aime les grands objets. No, because I'm just asking, but why? Why, you know, erotic transcendental movement goes towards macroscopic thing, and he just said that because Eros always likes big objects. Speak for yourself. It matters. C'est important. Size matters for Eros. Bon, Non, c'est-à-dire que il y aurait un stade intermédiaire qui est celui de Deleuze. So of course there will be an intermediary stage in all this between Plato and me, and it would be Deleuze. Qui est déjà plus proche de la microphysique, du microscopique, qui est déjà pas platonicien à la manière ancienne et noble, si je puis dire. And in fact, Deleuze is closer to microphysics or microscopic vectorization of impulses. Et à ce stade où opère Deleuze, on aboutit à une théorie du désir. And in fact, in Deleuze, you end up with a theory of desire. Et je ne sais pas si le désir est nécessairement érotique. And in fact, my problem is that I don't know if desire is necessarily erotic. Quant au niveau encore plus bas, ce que j'appellerais moi le niveau générique, les vecteurs qui représentent une forme de flux désirant, fact, what I call vectors are they represent like desiring flows. Je ne sais pas s'ils sont érotiques, but I'm pas not sure spécialement. They are erotic. I mean, not specifically. J'avais le projet, excusez-moi, c'est une anecdote personnelle, d'écrire un livre sur l'érotique. I'm very sorry, but it's a personal anecdote, but I had a project to write a book on eroticism. Mais depuis que je m'intéresse un peu à la physique quantique, j'en ai plus tellement envie. But since I started getting interested in quantum physics, I don't feel like it. I don't feel like writing a book on eroticism. It's interesting. Something I find this what you're talking about makes me think about Felix Rotelli in Three Ecologies when he talks about the minuscule in reference to the local jurisdiction of ecology. But also, of course, the minuscule is a reference to quantum physics as well. But my question is actually about contingency. What place has contingency in what we talk about? What place the part of contingency is? Has, yes. And also, I was thinking about what was happening as a response, an elaboration of Western nihilistic thinking in terms of nothingness during the Second and after the Second World War in Japan, the Kyoto Shu, the School of Kyoto, which I think managed to go beyond this way of looking at nothingness in a Sartrean or a phenomenological sense as well. People like Nagarjuna or Nishitani Keiji, although inscribed in a more religious context, but nonetheless informed by Buddhism, which actually could be seen as a non-theistic, a non-religious approach, mainly actually what the Kyoto Shu was trying to do. So in a way, much closer to science, and therefore sort of ante-literal sort of quantum physics, and very minuscule molecular type of nothingness. Even in the Kyoto School? Yes. Okay, they speak of minuscule as well? This is what I think was that sort of approach, which I think fits well with this idea of immanence, which is beyond, you know, Deleuze's plane of immanence, but is actually... it's a very pragmatic, practical, physical emergence in an emergentistic way, but nonetheless very tangible about real reality. Okay. Sorry, quiz too. No, that's fine. Right. Alors en fait, il a commencé par faire le rapprochement entre votre travail et celui de Félix Guattari dans Les Trois Écologies, où Félix Guattari parlait de minuscules. Et évidemment, ça résonne avec la physique quantique. Bon. Mais donc, il a commencé par dire ça. Après, il a dit, la première partie de ma question, c'est le problème de la contingence. Qui joue le rôle de la contingence ou qu'est-ce qui joue le rôle de la contingence dans votre exposé ? L'occasion, enfin, je pense qu'il faut parler de ça. Et puis après, il a dit que votre réponse à l'idéalisme du néant, elle était aussi très proche. de d'une tradition je l'école de Kyoto après la seconde japonaise oui école japonaise d'accord voilà et alors là il a cité des noms Nagashuna tout ça je sais pas exactement ça va qui parlait et le problème c'est qu'évidemment il y avait un peu un contexte religieux mais en même temps bouddhiste et qui serait finalement plutôt plus proche de la science que et de la matière et de cette microlisation de la matière, je sais plus comment dire, micrologie de la matière. Bon, voilà. Donc. Merci. Sur le premier point, les philosophes qui parlent de micropolitique, par exemple Foucault, Deleuze, Guattari. J'ai tendance à considérer que c'est pas très sérieux. So on the first point about the philosophers who speak of micropolitics, such as Foucault or Deleuze or Guattari, I have a tendency to consider that they are not very serious. Parce que yeah, you agree. Parce que c'est une fusion brutale. Entre la philosophie, les schèmes philosophiques et certains schèmes quantiques, d'ailleurs pas très nuancés. Because in fact it's a brutal fusion between philosophical schemes and quantic schemes. Oui. D'ailleurs, le premier philosophe, à ma connaissance, le grand philosophe à avoir parlé de ce thème du minuscule, c'est Nietzsche. But in fact, the first one who started to talk about this is Nietzsche when he was talking about the little events of silence. Sur le deuxième point, la contingence, enfin, pour moi, là, c'est relativement tranché. Le type de relation que j'imagine, que je vois entre deux choses, que ce soit la pensée et l'être, ou bon, deux choses, il y a toujours un côté de contingence et un côté de nécessité. Ça n'est pas la contingence comme totale des contingences qui fait la nécessité. Pas pour moi. Ça, ce serait pour certains philosophes. Il y a une nécessité, mais elle n'est pas suffisante. Ce terme du non-suffisant est très important, enfin, ici. Hein, elle n'est pas suffisante pour engendrer son propre contraire, en quelque sorte. Ni la contingence engendrer la nécessité. C'est la dualité unilatérale. Juste une question. J'ai marqué côté contingence, côté nécessité, mais vous parliez de l'être et de la pensée. Bah, pas spécialement. Vous parlez de quoi en fait, des côtés ? C'est des côtés de qui ? Le monde. Le monde est contingent, bien qu'affreusement nécessaire, mais il est contingent pour l'homme. Okay. C'est une nécessité, le monde contingent pour l'homme, mais c'est une nécessité justement d'autant plus terrible qu'elle est absurde, qu'elle n'a pas de raison pour l'homme, dans l'homme. Ok, so in fact, the world is... the world has like two sides. On the one hand, you have a contingent side, because the world is contingent for man. But on the other hand, you have a kind of absolute necessity of the world, absurd necessity, terrible necessity. But this necessity is never like self-sufficient, because there is always what I call unilateral duality. Which is the way by which the generic man apprehends the world. Ni la contingence totale, à la manière peut-être de Meyasu. So in fact, contrary to what Quentin Meyasu is doing, ni la nécessité. I'm not arguing for an absolute contingency. Ni la nécessité totale, à la manière, avec quelques nuances, de Spinoza. And I'm not actually arguing for a total necessity, the way you can find it in Spinoza. Mais un partage, une dualité. But in fact, there is a duality. Immanent. De la nécessité et de la contingence. Of necessity and contingency. There is an immanent duality of necessity and contingency. Mais dans l'homme. Oui, dans l'homme. Finalement, en dernière instance, dans l'homme. And this duality is no longer in the world. It's in man. It's the unilateral duality operated by man between the contingency of the world and the necessity of the world. Pour les Japonais, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas suffisamment au courant de clair. Je sais que ça. Oui. I know it's linked to the Kyoto School and the Japanese, but I can't answer because I don't know enough. Sure. Very brief question. Is there any relation to American pragmatism in your soul at all? Was there any connection? Because American pragmatism was criticized classical European philosophy. You're talking about William James, or are you talking about somebody else? Julie James. Okay. Elle vous pose la question si votre propos est en rapport avec le pragmatisme américain. Alors je lui ai dit de préciser son propos, je lui ai dit vous faites allusion à William James, et elle m'a dit ben, en partie, mais pas seulement. Pas spécialement. Ça n'est pas né d'une réflexion sur le pragmatisme américain. What I have written was not generated after I have read, you know, American pragmatism, but... Le seul... pragmatisme que je connaisse un peu, enfin que j'ai connu à un moment, c'était un aspect de Nietzsche. That in fact, the only pragmatism that I have studied is the one you can find in Nietzsche. Mais bon, ça s'est imposé. Les éléments l'élément d'un certain pragmatisme s'est imposé à moi. Il y a quelque chose qui dérive aussi de Marx, mais de la pratique, la praxis. Yeah, it's also linked to Marx's concept of praxis. Mais c'est pas le pragmatisme. So it's not really pragmatism. Non, pas spécialement. Might I make a comment in terms of those who are new to this kind of thought, and that came out in the start of the workshop yesterday? That reference to, you mentioned kind of a sort of a public safety announcement yesterday at the start about the use of the word man, om, capital H. Il voudrait parler de cette histoire de votre usage de l'homme. And not to, for people to run away because they might think it's one, the subject or a certain notion of the subject or a gendered notion of the subject. You clearly, it is not that. And you said that you do not know. And in a sense, the whole project is to find out what is generic man. Oui. So the question is, well, you can expand on that. But the question is, a philosopher's question, how will you know when you know what generic man is? Okay. La question qui est un peu une question de philosophe, c'est comment saurez-vous que vous savez ce qu'est l'homme générique? Comment vous le saurez si vous le faites? How do you know you're getting closer even? Voilà, comment vous savez que vous vous en rapprochez de ce savoir? Parce que, d'une part, il y a des données qui concernent l'homme. L'homme, ça peut être l'homme philosophique. Hein, l'homme, because on the one hand, you do have like data which concern man or the human. It can even be philosophical man. Deuxièmement, parce qu'évidemment, je postule que le sujet, entre guillemets, à la fois de la philosophie et de la science, c'est quelque chose qui doit s'appeler l'homme. And in fact, I argue that the subject of philosophy and of science is something that must be called man. Et ce que la connaissance que j'ai à la fin, qui est une connaissance ontologiquement probable de l'homme. This kind of knowledge of man that I reach at the very end is only an ontologically probable or ontologically possible knowledge of man. Je suis sûr qu'il s'agit de l'homme, comme les physiciens sont sûrs qu'il s'agisse de physique quand ils en font. And I'm certain it's a question of man, exactly like physicians are certain that it's a question of physics when they are doing it, when they are practicing physics. En revanche, j'ai une connaissance, nous avons une connaissance indéterminée de ce qu'est l'homme générique, contrairement à la philosophie qui sait, elle, ce qu'est l'homme générique, à travers Feuerbach, à travers aussi un peu Aristote, ou à travers des axiomes comme l'homme comme animal rationnel, l'homme comme animal métaphysique, comme animal religieux, etc. Contrary to philosophy, he multiplies determined or determination knowledge of man. I only have an undetermined knowledge of man. Vous pouvez vouloir dire, est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agit de quelque chose d'humain ou d'un monstre? Of course, you could ask me, are you sure it's something that is actually human or is it a monster? Okay. Okay. Mais comment vous savez-vous, comment connaissez-vous l'objet dont vous parlez? And you, how do you know the object you are talking about? That's a different method. It's not about me, it's about you. We'll do one last point then, because some people would hear what you said when you say, and I know you, this would not be correct if that's the right word, but if you say, I will know, I am as certain about the object of generic man as the physicist is as certain. Quand vous comparez au physicien et que vous dites que, enfin, quand vous comparez votre certitude à celle du physicien par rapport à son objet, are their object. Which, of course, leaves open just how certain that might be. You say, I am as certain as they are, but, you know, how certain are they? Cela ne répond pas à la question. Some people might think, this sounds like Descartes. This sounds like même philosophy. Peut-être certaines personnes vont penser que modeling itself on a science that has established itself as... Vous êtes en train de vous modeler sur la science qui se serait... But we know this would be a philosophical view of science, a philosophy of science. Ceci, ce ne serait qu'une philosophie de la science ou une vue philosophique de la science. Rather than non-philosophy that is science. Et ce ne serait pas cette non-philosophie qui est la science. La non-philosophie est une science et en même temps une philosophie. Elle utilise la philosophie et l'utilise de la science. C'est pour ça qu'elle est aussi bien non-science. Alors ça, c'est l'objection de Deleuze, oui. Mais... Oui. Okay. So yes, non-philosophy is both science and philosophy. In as much as philosophy uses, as much as it uses philosophy as its material. Et je suis très intéressé à Marx, parce que la grande idée de Marx, c'était de faire une discipline de l'histoire, etc., une discipline qui soit et une philosophie et une science. C'est pourquoi les interprètes de Marx se partagent toujours. Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une science? And that's why my work really resonates with that of Marx, because all the commentators of Marx know that the problem is that of knowing if it's a philosophy or if it's a science, what Marx is doing. Au fond, sous cet angle-là, mes grands hommes, c'est Marx et c'est Lacan. And in fact, my oui, big Lacan, names are Marx and Lacan. Il hésite entre... Because Lacan always hesitates between... Mais pour moi, il ne s'agit pas de prendre des énoncés philosophiques et des énoncés scientifiques et puis de les agiter dans un cornet comme ça. Hein. But for me, it's not a question of taking like philosophical elements and scientific elements and to mix them in a kind of a cone and just do it. Il s'agit de travailler les concepts philosophiques macroscopiques, voir les concepts, certains concepts de la physique la plus positive, mais de les travailler à l'aide de la matrice elle-même. Pas la science contre la philosophie, pas la philosophie contre la science, mais c'est la matrice dans son unité qui travaille et la philosophie et la science. It's not a question of opposing philosophy and science, but of working philosophical elements and scientific elements together, thanks to the matrix. Okay, well, I think, because I know that Professor Laruelle has to catch a plane to go to Lyon, where they need non-philosophy. So I'd like us all to applaud the struggle that you two have enjoyed and endured, because it is hard going. So thank you for being here and thinking along with this project. And thanks especially to Professor Laruelle and Marjorie for the great work you've done in doing the translation.